Bouygues Télécom. Thibaut et Tiffaine, de Tours, parents d'ados ultra connectés, ont une connexion très lente qui n'arrête pas de planter. C'est pourquoi à la rentrée, ils souhaiteraient se doter de la fibre, mais pas à n'importe quel prix. Eh bien, Thibaut et Tiffaine, écoutez plutôt. En ce moment, chez Bouygues Télécom, rentrez sans compter avec notre série spéciale fibre, internet, téléphone et télévision pour seulement 14,99€ par mois pendant un an, puis 36,99€ par mois. Oui, la fibre à 14,99€. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement, engagement 12 mois. Merci Manu Farine, à la semaine prochaine. C'est devenu une sorte de litanie fataliste. Le jour du dépassement marque cette date à laquelle l'humanité a consommé toutes les ressources épuisables de la planète et commence à vivre à crédit. Cette année, ce jour a reculé de quelques semaines pour cause de Covid, mais à quoi correspond-il précisément? Communication politique ou vrai marqueur écologique? Pascal avait vu juste, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, et pour cause, le cœur aurait son propre midi-cerveau pour compenser les défaillances du cerveau principal. Et enfin, l'avènement de l'homme lézard, ce n'est pas un film de science-fiction de série Z, mais la promesse de la médecine régénérative qui permettrait de restaurer les organes défaillants grâce aux cellules souches. Jour du dépassement, cerveau du cœur et médecine régénérative, c'est le programme touffu qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire le tour de ces sujets et de l'ensemble de l'actualité scientifique et de la recherche récente, réunis à nouveau pour entamer cette cinquième saison, tout ce que la presse et le web scientifique comptent de plus clair, de plus précis, de plus brillant, de plus impertinent et de plus radiophonique, à commencer par Olivier Lascar. Bonjour Olivier. Ah, quel beau portrait. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver, rédacteur en chef du pôle numérique de notre partenaire chéri Science et Avenir. On accueille avec grand plaisir Fiorenza Gracchi. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue autour de cette table. Vous venez du magazine Science et Vie et l'indispensable Élodie Chabrol. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Pensante du festival Pint of Science. Mais pour commencer, avant d'évoquer l'homme lézard, j'ai longuement cherché quel animal totem pouvait être incarné par cette voix profonde qui ouvre chaque jour cette émission. Et eu égard à ses phobies personnelles, mesdames et messieurs, la femme araignée, Natacha Tarillaud, pour le journal des sciences de la semaine. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue hier dans la revue Communications Earth and Environment qui suggère de réévaluer les risques sismiques en France et en Europe. Oui, ce sont les conclusions de ces travaux menés par une équipe française à la suite du séisme du Teil en Ardèche le 11 novembre dernier. Un séisme de 5,4 sur l'échelle de Richter avec une rupture de surface qui a fait de nombreux dégâts. C'est une magnitude plutôt hors norme pour la France. Selon les résultats de ce papier, ce séisme serait dû à la réactivation de la faille de la Rouvière. Une faille très ancienne qui date de l'Oligocène, c'est-à-dire d'une vingtaine de millions d'années. Jusqu'à présent, on ne la considérait pas comme active. Pour mieux estimer ces risques sismiques, des investigations paléosismologiques supplémentaires sont nécessaires. Jean-François Ritz est directeur de recherche CNRS au laboratoire Géosciences de Montpellier et le premier signataire de cette étude, il est actuellement sur le terrain. D'un point de vue critère de surface et de stratigraphie de surface, cette faille, elle semblait pas avoir bougé depuis très très longtemps. On voit très bien le mouvement oligocène, il est encore imprimé dans le paysage et dans les structures géologiques. Par contre, on voyait pas du tout dans la morphologie quaternaire, donc on va dire dans des marqueurs qui ont 2 millions d'années, on voyait aucune trace qui permettait de dire que cette faille avait déjà bougé. Si effectivement elle a déjà bougé par le passé, ou non d'ailleurs, ben de toute façon ça pose la question du risque que d'autres structures du même type, c'est-à-dire qui ne sont pas cartographiées comme failles actives, puissent générer le même type de séisme que celui du 11 novembre dans la région du Teil. Ce phénomène de rupture en surface lié à un séisme On ne pensait pas le voir un jour. Jusqu'à maintenant, on considérait que le risque était extrêmement faible, voire négligeable. On voit que tel n'est pas le cas. Donc ça, c'est une première découverte. C'est-à-dire qu'on voit pour la première fois en direct un séisme qui fait une rupture, c'est-à-dire un mouvement qui va jusqu'au sol et qui déforme le sol. Et ça, évidemment, ça pose la question de savoir, en termes de risque, si ça se produit au niveau d'un endroit où il y a des structures plus sensibles, quel va être le risque pour ces structures? Et est-ce que ça peut se produire ailleurs que dans cette région de Montélimar? Est-ce que ça peut se produire, je ne sais pas, en Bretagne, dans le nord de la France, en Artois? Est-ce que ça peut se produire si on reste sur le réseau de failles auquel appartient la faille de la Rouvière, un réseau qui va quand même de Montélimar jusqu'à l'Odève? Est-ce que ça pourrait se produire dans la région de l'Odève, d'Anduze? Voilà, donc ça pose la question du risque sismique en termes de possibilité de rupture le long de failles d'une façon nouvelle. En bref, une nouvelle étude parue hier dans la revue Clinical Microbiology and Infection. Selon cette étude, l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour soigner le Covid-19 est inefficace et peut même se révéler dangereuse. Il s'agit d'une méta-analyse qui a passé en revue 17 études qui existent à ce sujet, avec pour chacune d'elles un groupe contrôle. C'est un travail solide qui est publié dans l'une des meilleures revues d'infectiologie. Cette équipe franco-suisse a donc comparé les effets de l'hydroxychloroquine avec ou sans azithromycine aux soins standards dans les hôpitaux. Conclusion, l'hydroxychloroquine seule n'a aucun effet dans le traitement du Covid-19 et lorsqu'elle est combinée avec de l'azithromycine, elle augmente même le risque de mortalité. Avec en plus l'abandon de ces traitements dans les différents essais cliniques, c'est un consensus international qui se dessine. Selon une étude parue hier dans la revue Science, l'eau serait présente depuis l'origine de notre planète. Et on a longtemps pensé que l'arrivée d'H2O sur la Terre fut un apport tardif. Les chercheurs du Centre de Recherche Pétrographique et Géochimique de Nancy apportent la preuve du contraire. Ils ont précisément estimé la quantité d'eau présente dans les roches primitives de notre planète. Pour cela, ils se sont intéressés à des météorites de composition similaire à celle de la Terre, les chondrites à enstatite, qui sont entièrement composées de matériaux qui proviennent du système solaire interne et que l'on croyait presque sèches. Selon leur analyse, les roches primitives de la Terre auraient en fait contenu l'équivalent en eau d'au moins 3 fois les océans et peut-être beaucoup plus. On continue avec le deuxième sujet de ce journal. Une étude parue dans la revue Nature décrit un étrange phénomène gazeux au centre de notre galaxie. Une équipe américano-australienne a repéré quelque chose de nouveau. Les chercheurs ont observé du gaz froid dans le vent qui s'échappe du centre de notre voie lactée. Mais ils observent du gaz moléculaire, c'est-à-dire le gaz le plus froid. Suffisamment froid pour pouvoir former des molécules. C'est ce gaz-là qui est généralement à l'origine de la formation des étoiles. Alors non seulement il y a du gaz moléculaire dans ce vent, mais en plus, il y en a beaucoup. Les chercheurs l'écrivent, la présence de ce gaz est déroutante. Dans l'état actuel des connaissances, on ne peut pas expliquer son origine. Caroline Bott est astrophysicienne à l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Ces vents qui viennent du centre des galaxies, ils ont comme source, on va dire, de puissance, deux origines, soit le noyau, le trou noir central, et la crétion qui va dessus, soit la région de formation d'étoiles qui a lieu autour. Et dans le cas de notre galaxie, on a les deux, on a un trou noir et on a une région de formation d'étoiles, mais notre trou noir, il n'est pas très actif, contrairement à d'autres galaxies, des galaxies avec des noyaux actifs, on appelle les AGN, les noyaux actifs au centre des galaxies. Nous, on n'a pas un AGN dans notre voie lactée. Et il y a aussi autour du trou noir de notre galaxie et du centre de la galaxie, il y a une région de formation d'étoiles autour du noyau, mais qui, elle aussi, peut participer au vent, mais qui, elle non plus, n'est pas suffisamment active. Je pense que l'implication principale, c'est que ça va nous donner envie de modéliser peut-être mieux les vents des galaxies un peu comme la nôtre. C'est intéressant parce que ça nous dit soit que on connaît pas bien et qu'on comprend pas bien les vents des galaxies pas trop actives comme la nôtre, soit qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé du centre de notre galaxie qui reste peut-être à comprendre. En bref, une étude parue dans GeoHealth est passée un peu inaperçue cet été. À la suite de l'incendie de Notre-Dame, il y aurait eu littéralement une tonne de retombées de plomb sur Paris. Et des chercheurs de l'université de Columbia ont réévalué les retombées de plomb et trouvent des niveaux bien supérieurs aux données officielles. Pour cela, ils ont recueilli 100 échantillons du sol dans un rayon de 1 km autour de la cathédrale. Ils constatent constate que les 460 tonnes de plomb du toit parti en fumée ont multiplié par 20 les concentrations de plomb en suspension dans l'air de Paris. Soit une tonne de retombée de plomb, hein, c'est plus que le premier rapport du gouvernement selon lequel il y aurait seulement eu 150 kilos de dépôts de plomb. Néanmoins, les auteurs précisent, ces données sont difficiles à confirmer car trop peu de prélèvements sanguins, d'échantillons de sol et de poussière ont été prélevés immédiatement après l'incendie. Cette semaine, dans le Journal des Sciences, il a été question d'une nouvelle souche du VIH multirésistante au traitement, du premier cas supposé de réinfection au Covid-19, de l'éradication de la polio sur le continent africain, également de l'inégalité homme-femme en matière de réponse immunitaire face au Covid, mais également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha, et en ultra bref. Il y a des milliards d'années, il y a peut-être eu deux soleils dans notre système solaire. L'hypothèse est lancée par deux chercheurs de Harvard. Avec un système binaire, l'attraction gravitationnelle se serait exercée sur une plus grande zone qu'avec un système à une seule étoile. Cela pourrait ainsi expliquer comment notre système a capturé ces objets les plus lointains, comme par exemple le nuage d'Oort, dont la formation reste un mystère, ou encore l'hypothétique planète 9. Dans la revue Nature, des chercheurs américains viennent de créer une armée d'1 million de micro-robots marcheurs. Ils ne sont visibles qu'au microscope et sont plus petits qu'un dixième de millimètre. Pour le moment, ils ne peuvent que se déplacer, mais l'équipe cherche déjà à intégrer des fonctions supplémentaires. Et enfin, l'armée de l'air américaine vient de présenter EXA, un prototype de voiture volante pour le grand public. Le véhicule décolle et atterrit verticalement, un peu comme un drone. Et un peu comme un drone, son pilotage ne nécessite pas de compétences particulières. Il se conduit avec un simple joystick. Ce véhicule monoplace électrique devrait être disponible sur le marché d'ici 2023. Continue les vieilles traditions et on conclut comme chaque semaine ce journal avec notre rubrique de sciences improbables. Et bien aujourd'hui, Natacha, aujourd'hui, une étude parue dans Frontiers in Ecology and Evolution indique que les chauves-souris ont un langage spécial pour communiquer avec leurs petits. Et nous ne sommes pas les seuls à gazouiller et à babiller devant un bébé. Deux chercheurs berlinois se sont intéressés à la chauve-souris à ailes sacrées et à sa façon d'interagir avec ses rejetons. Les petits commencent à travailler leur vocalise à partir de leur troisième mois. Et, comme chez les humains, leurs mères leur répondent avec un ton différent que celui qu'elles utilisent pour communiquer avec des chauves-souris adultes. Un baby talk qui serait propre aux femelles. Donc voilà, nous avons donc sous-estimé la complexité de la communication de cette espèce. Et on découvre aussi que les chauves-souris sont des mères poules. Merci pour ce journal. Pardon, c'est vraiment consternant. Merci beaucoup, Natacha, pour ce journal des sciences. Et on va évidemment faire un petit tour de table pour savoir s'il y a des sujets parmi ceux qui ont été évoqués tout au long de la semaine, d'ailleurs, dans le Journal des Sciences, qui vous suscite une forme de réaction, Olivier, pour commencer. Dans le contexte, dans le marasme dans lequel on grenouille tous là depuis des mois et des mois, une nouvelle comme celle de la polio éradiquée en Afrique, c'est absolument extraordinaire. Donc, c'est normalement l'OMS attend 3 ans. Sans survenue de la maladie pour déclarer qu'elle peut être considérée comme éradiquée. Là, ils ont attendu 4 ans avant qu'il n'y ait plus aucun cas au Nigeria, qui était le foyer épidémique. Et ça montre qu'une campagne de vaccination efficace et méthodologique peut porter des fruits extraordinaires. Élodie, à ce sujet. Oui, moi, c'est aussi l'info positive, parce qu'en 2020, c'est vrai qu'on a du mal à les trouver, que je retiendrai, je pense, de ces actus. Fiorenza aussi sur la polio. Il faut quand même rappeler qu'il existe encore 2 pays dans lesquels on trouve encore des cas, malheureusement, quelques dizaines. C'est l'Afghanistan et le Pakistan. Donc l'OMS l'a elle-même rappelé, tant que la polio n'est pas éradiquée complètement du monde, elle peut toujours se répandre d'un pays à l'autre. Ça a déjà été le cas depuis le Pakistan vers la Chine en 2011. Donc, restons vigilants. D'autres réactions peut-être, je ne sais pas, ou sur le séisme, Fiorenza, vous vouliez dire un mot ? Ça montre encore une fois que peut-être qu'en France, il faudrait vraiment affronter cette question du risque sismique sur le territoire, puisqu'il y a très peu de constructions antisismiques actuellement qui sont faites. Et cette étude peut-être résonner comme une petite alerte. Il y a une dizaine de failles, de zones dans lesquelles les sismologues veulent aller voir pour vérifier que les failles sont bien éteintes en France. Et donc, voilà, attendons les résultats dans les prochaines années. Olivier ? Toujours sur un mode, pour rester un peu léger, moi je remercie Natacha d'avoir choisi cette nouvelle sur les chauves-souris, parce que c'est formidable de redorer un peu le blason de la chauve-souris. Pauvre chauve-souris. Un animal calomnié, porteur de coronavirus et autres saletés. Il y a quelques mois, il y avait eu un autre papier qui montrait que les chauves-souris pouvaient développer le sens de l'amitié quand elles sont en captivité. On voit qu'il y a des liens qui se tissent entre les individus qui vont en tendance à se toiletter, à partager la nourriture préférentiellement. Et grâce à des petits capteurs installés sur les mêmes bêtes qu'on a libérées ensuite dans la nature, on a vu que ce lien, il perdurait à l'état sauvage. Mmh. Donc c'est vraiment une mère poule. Il faut aimer les chauves-souris. Formidable. Il ne faut pas les manger non plus. Élodie, autre chose, non ? Rien de particulier. Peut-être. Non, peut-être un mot. On a hésité à en parler parce que c'était un peu avec la peur de remettre une pièce dans la machine. Mais je pense qu'il est tout de même important de reparler de l'hydroxychloroquine et de redire que encore une fois, là, on commence vraiment à avoir suffisamment que ce soit des études observationnelles, des méta-études sur ENSA qui montrent. Le corpus est clair. Il y a rien d'étonnant. Les études vont toutes dans le même sens. Il n'y a rien à espérer de cette molécule. Et passons à autre chose. Voilà. Eh bien voilà, c'est dit, passons à autre chose. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. C'est devenu une forme de sentence annuelle, un marqueur de l'avancée des dégâts que l'humanité inflige à la planète, le jour du dépassement. Cette date symbolique à partir de laquelle nous aurions consommé toutes les ressources produites par la Terre en un an et où nous commencerions donc à vivre à crédit. Cette date qui avance après année inexorablement, mais qui a reculé de quelques semaines cette année, bien évidemment pour cause de pandémie. Olivier, parlez-nous un peu de ce jour du dépassement, déjà d'où il vient et à quoi ça correspond exactement? Alors, comme vous l'avez dit, Nicolas, le jour du dépassement, c'est l'évaluation sur le calendrier d'une journée charnière au-delà de laquelle on vit à crédit. C'est-à-dire que tout ce dont on a besoin en termes de ressources qui sont produites naturellement par la planète, eh bien, à partir de ce jour-là, la planète ne les produit plus. Il y a un des papiers de Science et Avenir dans lequel on parle de ça, où il y a une image qui dit que si l'humanité était un fermier qui se nourrissait tous les jours d'un œuf, à partir du jour du dépassement, il doit manger ses poules. Donc on voit bien qu'on va arriver à une situation problématique. Ça fait combien de temps que c'est en place cette échelle ou ce jour du dépassement? Quand est-ce que ça a été mis en place et par qui en fait? Alors le jour du dépassement, c'est un concept qui vient d'abord d'un bouquin publié à la fin des années 90, en 1996, par un universitaire canadien qui s'appelle William Rees et son étudiant Mathis Vickernagel, dans lequel il développe ce concept de l'empreinte écologique. Mais à ce moment-là, ça reste c'est un livre qui peut avoir un certain succès dans une sphère particulière et restreinte. Le basculement se fait à partir du moment où un think tank, une ONG du nom de Global Footprint Network est créée par le même Mathis Vickernagel et Suzanne Burns. Une ONG dont la fonction essentielle, unique, totale, est de calculer ce jour du dépassement, ce qui se fait évidemment au prix d'un travail conséquent en termes d'amoncellement de données et de méthodes de calcul, de modèles de calcul. Donc à partir de ce moment-là, en 2003, cette société est créée, cette ONG est créée, et quelques années avant, déjà dès l'an 2000, Mathis Vickernagel était la cheville ouvrière du calcul du jour du dépassement pour le WWF, et c'est parce que l'ONG Global Footprint Network est adossée et partenaire depuis le début de la WWF, qui est cette organisation mondialement connue, qui est la plus puissante organisation environnementale, que le jour du dépassement a eu cette ampleur, a gagné année après année cette ampleur extraordinaire. Ce qui veut dire que le jour du dépassement est calculé depuis les années 2000, mais ils ont fait un travail rétroactif et ils ont évalué depuis finalement les années, je crois 70, que c'est en 70. Ouais, 70 la première. Calcul. Mais ils ont même une vision du moment où le basculement s'opère, c'est-à-dire que dès 1961, les gens de Global Footprint évaluent que en 61, la Terre, l'humanité ne consommait que les trois quarts des ressources naturelles de notre planète. C'est au début des années 70 qu'on rentre dans cette période de dette écologique. Mais à cette année-là, la date est assez lointaine sur le calendrier. En 70, c'est le 29 décembre. Voilà, c'est calculé le 29 décembre. Alors on va parler parce que effectivement on en a parlé. Il y a quelques auditeurs, mais qui nous ont dit faut faire attention. Et puis il y a aujourd'hui quelques doutes qui émergent sur la nature de ce jour du dépassement. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que, comme je le disais en introduction, c'est d'abord de la communication politique pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens évidemment à l'empreinte écologique, ou est-ce qu'il s'agit vraiment derrière de calculs scientifiques solides? On aimerait comprendre comment sont faits en fait ces calculs. Quelles sont les données qui sont utilisées pour calculer ce que l'humanité consomme et de quelle consommation on parle? Alors, outil politique ou vraie modélisation scientifique, je dirais un petit peu des deux, mon général, puisque si année après année, le WWF communique au travers de son rapport Planète Vivante autour du jour de dépassement, c'est qu'on voit que c'est extraordinairement symbolique, ça a une portée, c'est très clair, quoi, on le visualise très bien. Et puis c'est parce qu'il y a des données scientifiques, il y a de la data, hein. Il y a un spécialiste de la data qui disait que data scientist, c'était le métier le plus sexy du 21e siècle. Effectivement, de la data, on en a. Mais c'est quelle data, justement? Comment c'est calculé concrètement? C'est sourcé sur quel type de données pour comprendre ce que la Terre produit et pour comprendre en rétroaction ce que l'humanité consomme? Alors le calcul est théoriquement assez simple, puisqu'on prend d'un côté ce qui est les ressources qui sont utilisées par l'humanité, c'est-à-dire le nombre de le tonnage en bois nécessaire pour nous chauffer, pour construire, la superficie des aires de pêche et leur capacité de régénération, le nombre d'hectares de pâturage et de terres agricoles. Ce sont des données qui peuvent être fournies par les organisations internationales, par l'ONU, par les pays eux-mêmes. On met tout ça au pot et de l'autre côté, on regarde les capacités réelles de la Terre. Et si ce dont on a besoin est excédentaire par rapport à la ressource de notre planète, on est dans cette situation de dette. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, en 2020, même si la date a reculé de 3 semaines, le Global Footprint Network considère qu'il nous faudrait 1,6 planètes pour répondre aux besoins de l'humanité. Néanmoins, effectivement, il y a des détracteurs, ou en tout cas des commentateurs, qui disent que derrière ce calcul, on mélange un petit peu les choux et les carottes. Parce que d'un côté, il y a la superficie réelle des pâturages, tout ce que je disais, qui est sur la Terre. Et de l'autre côté, on va aller voir du côté de la capacité de notre planète à absorber les déchets. Et au premier chef, il y a la question des gaz à effet de serre et du gaz carbonique. Et là, il y a un parti pris de modélisation mathématique qui a été qu'ont choisi les scientifiques de Global Footprint et au premier chef Matthijs Fichtner-Nagel. Ça a été de considérer que pour absorber le CO2 qui est émis par nos activités, par les activités humaines, par la combustion des matières fossiles, etc., ce gaz va s'accumuler dans l'atmosphère en partie, et pour une autre partie, il va être naturellement absorbé par les océans et par la végétation. Et donc là, ce qu'ils disent, c'est, étant donné la quantité de CO2 qui est produite annuellement, quelle est la portion de terre virtuelle qui nous serait nécessaire pour absorber ces gaz, etc. Donc on voit qu'on a, d'un côté, dans le même modèle, la considération d'une superficie de terre réelle et de l'autre, une sorte de terre fantôme, de terre virtuelle dont on aurait besoin pour absorber le CO2 et les gaz à effet de serre. Et c'est ce mélange des genres qui peut poser problème, parce que, encore une fois, on peut avoir l'impression qu'on mélange deux choses qui sont différentes. Il y a donc cette année, ce jour du dépassement, il survient le 22 août. Il a reculé de 3 semaines, je crois, pour cause de pandémie. Et quel est aujourd'hui finalement l'intérêt politique de dire, regardez, on vous montre un peu comme l'horloge nucléaire, on recule, il est minuit moins une à l'horloge de l'apocalypse nucléaire, c'est-à-dire finalement de voir ces dates s'égrener, on n'a pas l'impression en tout cas que ça a l'effet politique ou l'effet en tout cas de prise de conscience que bien qui serait l'intention initiale des créateurs de cet indicateur. Disons qu'on peut quand même considérer que depuis le début, depuis 20 ans et depuis que cet indice existe, on voit que la conscience écologique, elle s'est vraiment, elle a percolé quoi hein, dans l'esprit du public. Il y a une boutade qu'on lit souvent dans les papiers d'économie qui dit que croire qu'une croissance exponentielle sur des ressources finies pourra durer à jamais est soit l'idée d'un fou, soit l'idée d'un économiste. C'était une vanne pour donner corps au fait que longtemps les économistes ont eu un traitement très théorique de la chose sans prendre en considération l'impact écologique, l'impact environnemental. C'est quand même chose faite d'une certaine façon grâce à des outils comme celui-là. Après, en 2020, on peut dire que le fait que l'indice ait reculé de 3 semaines s'est présenté comme une bonne nouvelle d'un certain point de vue puisqu'il y a ce recul. C'est aussi une bonne nouvelle parce que ça montre que des décisions rapides peuvent avoir aussi des effets positifs rapides. Néanmoins, c'est conditionné par des commentaires de l'ONG qui dit que tant que l'évolution ne sera pas désirée mais subie, on n'arrivera pas là où on veut arriver. La question et les critiques qui ont émergé, pas seulement cette année, hein, depuis quelques années, disent voilà, c'est vraiment de l'agit-prop, c'est-à-dire que tout ça est tout de même très ascientifique, les modèles sont très discutables. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce qu'effectivement c'est un peu un chiffon rouge qu'on agite pour éveiller les consciences, mais finalement avec des bases théoriques et scientifiques assez fragiles? Il y a un problème de boîte noire, il y a un problème de communication de la part de Global Footprint qui ne dit pas tout de ces modèles mathématiques. Il y a ces conventions de modélisation mathématique dont on vient de parler. Il y a aussi l'impasse sur certaines réalités. La question du pourcentage de terre qui disparaît avec l'érosion des sols, la façon dont on utilise les ressources naturelles en eau potable, tout ça n'est pas considéré par le modèle. Donc effectivement, il y a beaucoup de trous dans la raquette. Au-delà de ça, il y a le constat de la façon dont on essore la planète un petit peu jusqu'au trognon. Et si politiquement un marqueur comme celui-là peut faire l'affaire, je pense qu'il faut le prendre pour tel quoi. C'est la question de la fin qui justifie les moyens ou non. Peut-être une réaction, Élodie Fiorenzi, sur ce marqueur. Est-ce que malgré tout il faut le maintenir? Est-ce qu'il faut essayer d'aller vers plus de transparence sur la modélisation? Faut peut-être le sortir des mains d'une ONG pour faire quelque chose ou pour le mettre entre les mains d'une institution internationale qui pourrait le faire de manière plus transparente? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que il gagnerait à devenir un marqueur réellement, disons, scientifique, basé sur des études plus transparentes et partageables. Il gagnerait en, disons, respectabilité, en pertinence, quoi. Élodie, votre sentiment, c'est tout de même important de maintenir et de montrer à la population terrestre que chaque année, en ne changeant pas nos modes de vie, on continue, effectivement, comme le disait Olivier, à essorer la planète. Oui, effectivement, je trouve que malgré tout, il faudrait qu'il soit plus transparent, il faudrait qu'on comprenne exactement comment c'est fait, que ce soit fait vraiment scientifiquement. Mais je pense que ça permet quand même de se rendre compte que on essore un peu la planète et chaque année, le fait de le voir reculer, c'est vrai que je pense que ça peut aider. Mais effectivement, avec un peu plus de science, ça serait encore mieux. Mais c'est déjà, à mon avis, un bon indicateur de ce qu'on fait à la planète. Dragging around from the end of your coat. ego is swirling. Everything you say has water under it. Now I keep your fingerprints in a pink folder in the middle of my table. You're the talk, kingdom I surround. Think I'd better follow you around. You might need me more than you think you will. Come on in the car you love, brainy, brainy, brainy. Rémi de The National sur France Culture, vous écoutez La Méthode Scientifique, c'est notre vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Deuxième dossier de ce vendredi et de cette table ronde, nous avons beaucoup parlé à ce micro de notre deuxième cerveau, à savoir du réseau neuronal majeur qui existe au niveau de nos intestins et qui lie étroitement notre système digestif à notre système nerveux central, l'un et l'autre s'influençant mutuellement. Et bien après les intestins, c'est au tour du cœur de révéler son propre ministère. Cerveau, un centre de contrôle propre qui supplée, qui complète finalement le cerveau principal, Élodie. Tout à fait. Donc en fait, le cœur aurait un mini cerveau. Donc n'imaginez pas un petit cerveau. Oui, ça fait des images de science-fiction un peu bizarre. On n'a pas un mini cerveau accroché au cœur. Ce que c'est en fait, ce sont des neurones qui sont un petit peu répartis tout autour du tissu cardiaque. Donc un tissu de neurones qui sont là un petit peu comme contrôle, histoire que si jamais il y a une défaillance entre le cerveau et le cœur, ils sont là pour gérer toute anomalie. Et jusque-là, c'était pas forcément très cartographié ou très bien connu. Comment ça se fait d'ailleurs qu'on le découvre aujourd'hui? Ça paraît presque surprenant de se dire qu'on découvre d'un seul coup que le cœur est entouré de neurones qui sont un peu, pas tout à fait autonomes, vous allez me le dire, mais... Alors en fait, je pense que c'est toute une histoire de méthode pour scanner, pour voir. On savait qu'il y avait des neurones, mais on savait pas exactement comment ils étaient organisés, à quoi ils servaient exactement. Et puis, il y a eu l'avènement des nouvelles méthodes, des nouvelles technologies. Et là, notamment dans cette étude, ils ont utilisé une technique qu'ils n'avaient pas encore utilisée pour autre chose que pour le cerveau. Donc, c'est une technique relativement nouvelle qui, en gros, découpe... alors, je m'avance un peu. Allez-y, on en parle après. Mais en gros, c'est un cutting knife, knife edge scanning microscopy. Donc, en gros... En français. En français, c'est une microscopie qui coupe en même temps. C'est-à-dire que c'est des tranches très fines de tissus qui vont être faites et qui vont être, du coup, scannées en même temps. Donc, ça permet de voir à une échelle du micron, micromètre du coup, et de reconstruire tout ça, parce qu'on coupe en petites tranches, et après du coup on reconstruit en 3D, et ça permet d'avoir vraiment une vision en 3D de ce qu'on a découpé. Et ça a été fait sur, c'est des expériences qui ont été faites sur le rat pour le moment. Alors ce sont des expériences qui ont été faites sur le rat, cette technique vient du cerveau, et du coup c'était la première fois qu'elle a été faite sur le cœur, donc sur des neurones, mais sur le cœur. Elle a été faite chez le rat, tout d'abord sur un cerveau de rat mâle, et après sur un cerveau de rat femelle. Sur un cœur, du coup. Pardon. Sur un mini cerveau de cœur cardiaque. Voilà, ouais. Exactement. Il y a cette phrase intéressante de l'un des co-auteurs de cette étude qui a été faite par qui d'ailleurs, par quel Donc c'est une équipe qui a été composée donc d'anatomistes, de généticiens et de bioinformaticiens de l'université Thomas Jefferson en Pennsylvanie. Ouais, c'est ça. Et l'un des auteurs dit quelque chose d'assez passionnant. Il dit ça représente un grand vide en fait dans notre compréhension qui se situe entre la neurologie et la cardiologie. On est vraiment à cheval du coup sur les deux disciplines. Exactement, parce qu'en fait ce sont des neurones qui vont contrôler le cœur et c'est vrai que du coup c'est complètement à cheval et ça a permis de vraiment combler ce trou qu'il y avait entre la neuro et la cardiologie pardon. Donc ça leur a permis vraiment de faire une première carte, c'est la première fois qu'on pouvait avoir ça, une carte 3D du système nerveux cardiaque. Donc c'est pas juste de l'anatomie, ce qui est joli avec cette étude c'est qu'ils ont vraiment utilisé deux types de techniques. Ils ont utilisé donc le knife edge scanning microscopy qui permet de voir en 3D et de vraiment scanner et de refaire. D'ailleurs, il y a la vidéo, je suppose que ça va être partagé. On va le mettre évidemment sur le fil Twitter. Qui est magnifique. Donc on voit vraiment tout en 3D. On voit l'emplacement de ces neurones vraiment bien en 3D. Mais ils ont aussi utilisé la microdissection laser qui permet en fait de disséquer les neurones séparément. et après de les prendre pour faire des analyses génétiques ou moléculaires. C'est-à-dire, en gros, regarder ce qu'il y a dans ces neurones pour comprendre un petit peu à quoi ils servent. Au final, quels marqueurs ils ont, quels gènes ils expriment. Et du coup, comprendre un petit peu vraiment moléculairement à quoi ils servent. Donc, c'est vraiment une étude très complète, pas juste anatomique, qui permet de savoir un peu où ils sont et ce qu'ils font. L'un des co-auteurs parle de première carte routière complète du système nerveux du cœur. On parle d'ailleurs de système nerveux intracardiaque, ICN. Tout à fait, oui. Et du coup, c'est quel type de neurones? Enfin, on sait, vous pouvez nous dire un peu ce que, finalement, les premières conclusions auxquelles aboutissent l'étude. Donc, qu'est-ce qui ça a permis de voir? Ils ont vu que ces neurones étaient principalement autour du nœud sinusal qui permet de créer le rythme ou la fréquence cardiaque. Ça a permis aussi de voir que, grâce à l'expression génétique, que chaque neurone, l'expression génétique de chaque neurone, elles avaient des identités moléculaires ou des phénotypes. Donc, en gros, ils exprimaient des gènes qui étaient jusque-là méconnus. Ça a permis de voir aussi qu'ils étaient organisés par gradient, c'est-à-dire, ils étaient organisés par partie de neurones qui exprimaient plus ou moins ces gènes. Donc, ça leur a vraiment permis de comprendre un petit peu des nouvelles fonctions. Alors, c'était quoi ces phénotypes inconnus? Moi, je me suis dit, mais comment est-ce qu'il peut y avoir des phénotypes neuronaux inconnus? En fait, c'est des neuromodulateurs ou des récepteurs présents qu'on savait pas on ne savait pas qu'ils étaient présents à cet endroit-là. Ou des neuromodulateurs. Donc, du coup, c'est ça, ces phénotypes inconnus. On ne savait pas que, en tout cas, ces neurones-là exprimaient ça. On pouvait exprimer ce type de Exactement. Caractère. On a vu aussi, enfin, ils ont vu autre chose, c'est que, donc, ils ont commencé ça sur un cœur de rat mâle. Ils l'ont fait également sur un cœur de rat femelle. Et ils ont vu que il y avait des petites différences liées au sexe dans la façon dont les neurones allaient être organisés. Et leur expression génétique. Ce qui est très intéressant, parce qu'on s'est rendu compte il y a quelques années qu'au final, les maladies cardiaques chez l'homme et la femme n'étaient pas forcément exprimées de la même façon. Très différentes. Et malheureusement, en médecine et en science, souvent ce qu'on fait, c'est qu'en tout cas chez les rats, on a l'habitude de regarder des rats mâles. C'est un biais dont on avait parlé autour de ce micro. C'est un énorme biais. Ouais. Et là, cette étude, c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'ils ont à la fois étudié des rats mâles, mais également des rats femelles. Et du coup, ils ont pu voir une différence, ce qui peut potentiellement être intéressant pour plus tard. La suite de l'étude, ils vont essayer de faire ça avec un cœur de porc qui anatomiquement est plus proche du coup du cœur humain. Et puis le Graal, ça sera d'essayer de refaire ça sur un cœur humain. Faire une carte en 3D du cœur humain. Oui, on avait parlé, je ne sais plus, je crois que c'était Caroline Tourbe à l'époque, qui nous avait parlé justement du diagnostic des infarctus chez la femme et qui ne se présente pas du tout. Tous les mêmes symptômes, oui. Vous pouvez nous en dire un mot, peut-être, Florence, parce que c'est intéressant pour les gens qui... Oui, on pense toujours qu'on a mal au bras gauche quand on a un infarctus. En fait, chez les femmes, c'est pas du tout ça. C'est plutôt une grosse fatigue. Je me souviens plus exactement. Ça ressemblerait à des crises de panique ou des palpitations, difficultés à respirer. Ouais. Et souvent, malheureusement, aux urgences, on les renvoie en disant « Calmez-vous, madame, vous pouvez rentrer chez vous. Ouais, » Voilà. Oui, ça fait rire, mais ça fait pas rire du tout. Ça ferait plutôt pleurer. Oui, et puis c'est lié avec ce biais que vous évoquiez, dont on avait parlé également ici. On va vous mettre aussi le lien vers les émissions, vers ce grand biais sur l'expérimentation animale où on s'est rendu compte qu'on expérimentait essentiellement sur des animaux masculins et que du coup ça créait vraiment des gammes incroyables d'effets secondaires indésirables sur les médicaments quand ils étaient pris ensuite, quand ils étaient administrés bien aux femmes. Oui, exactement. Mais c'est tout simple. Pourquoi les mâles? C'est parce qu'il n'y a pas de variation de cycle, de variation hormonale. Donc, du coup, en science, le plus simple, c'est de prendre un mâle. On est sûr que ce sera stable, mais du coup, on induit énormément de biais en n'étudiant pas les femelles. Et alors, du coup, maintenant, pour revenir à notre sujet et à ce petit cerveau du cœur, c'est une image très poétique d'imaginer qu'on a un cerveau sur le cœur, je trouve ça très joli. À quoi ils servent, ces neurones? Est-ce qu'on sait quel est leur rôle? Pourquoi ils sont là? Et quel est le lien qu'il y a entre ce réseau neuronal cardiaque et le système nerveux central? Donc, en fait, ils sont là vraiment pour finement réguler l'activité du cœur, vraiment avec grande précision. Et ils sont pas là juste pour arrêter et activer l'activité, mais aussi pour la réguler avec précision. Donc, c'est vraiment, j'allais dire, les chefs d'orchestre, mais enfin, ils sont vraiment là pour réguler ça avec précision. Voilà, avec précision. Avec précision. Autre chose sur cette étude, on a fait à peu près le tour ou il reste des détails Non, ce projet, c'était intéressant. Il fait partie d'un programme de recherche du NIH, donc du National Institute of Health aux États-Unis, qui visait à promouvoir le développement de dispositifs thérapeutiques qui modulent l'activité électrique des nerfs pour comprendre en fait le fonctionnement des organes. Donc c'est vraiment un petit peu faire de la neuro appliquée aux autres organes, quoi. Jorensa, une réaction à cette étude? Oui, intéressant. Des neurones pourraient se nicher à d'autres endroits et avoir des activités qu'on ignore jusqu'ici. Exactement. Et là, vraiment, elle est belle. Elle permet d'avoir une belle cartographie à la fois fonctionnelle et anatomique. Olivier? Moi, je trouve ça fascinant qu'on trouve encore des... Alors, je vais dire des organes, c'est pas le terme adéquat, mais on a l'impression qu'on a... tout disséquer, tout cartographier avec l'imagerie et les outils, la technologie contemporaine. Mais en fait, non, il reste régulièrement, on entend, on voit des publis sur de nouveaux organes, de nouveaux tissus, des choses qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent, alors qu'on est au XXIe siècle. Oui, parce que c'est vrai qu'on pourrait, après les intestins, après le cœur, on peut imaginer finalement des sortes de relais neuronaux qui seraient connectés à tous les organes, pourquoi pas. Bon, on va suivre ça avec intérêt. Merci beaucoup, Élodie. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et après les vaccins et les antibiotiques, la troisième révolution médicale en cours serait celle de la médecine régénérative. Promesse presque science-fictionnelle de permettre aux organes endommagés de s'auto-réparer, un peu à la façon dont les lézards régénèrent spontanément leur queue après qu'elle a été coupée, le tout grâce au développement de la recherche sur les cellules souches, demain donc tous réparables. Pièce par pièce, on va chez le mécanicien, pof, une petite injection de cellules souches, et c'est reparti. C'est un horizon qui est plus tout à fait délirant, en fait, Fiorenza. Oui, c'est ça. C'est une grande promesse de la médecine depuis au moins deux décennies, depuis qu'on a appris à mettre en culture les cellules souches embryonnaires en 1998. Les cellules souches, à l'époque, étaient la nouvelle coqueluche des biologistes, aux côtés du génome humain, qui avait été séquencé à l'époque. Et elle recèle la promesse de pouvoir réparer n'importe quel tissu du corps, n'importe quel organe, que ce soit à cause des maladies, endommagées par des maladies, des accidents, par l'âge, etc. Et aujourd'hui, ces promesses-là commencent à être tenues. On compte un millier d'études cliniques à travers le monde, dont une centaine qui sont déjà en phase 3, c'est-à-dire testées sur l'homme. À grande échelle, pour vérifier quels sont les bienfaits thérapeutiques et pas seulement la faisabilité, etc. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler à nos lecteurs ce mois-ci, dans le numéro de septembre. Peut-être qu'on peut rappeler rapidement ce que sont les cellules souches, parce qu'il y a différents types de cellules souches et il y a eu des grands progrès quand on a réussi à faire ce qu'on appelle des cellules IPS, mais vous allez nous raconter tout ça. Exactement. Donc, les cellules souches sont dans à peu près tous les organes humains, chez l'adulte, mais elles ont un potentiel de réparation qui est limité à cet organe-là. Chez l'embryon, au contraire, les cellules souches donnent lieu à la construction de tout l'organisme entier, donc elles sont totipotentes, elles ont un potentiel total. Et puis, il y a les cellules souches totipotentes induites, pluripotentes induites, qui ont été découvertes, inventées en 2006 par Shinya Yamanaka, qui a été récompensée par la suite du prix Nobel, et qui sont des cellules adultes qu'on rend de nouveau possible, capable de se différencier en tous les tissus humains. Ce qui a résolu un des écueils principaux des cellules souches, qui est l'origine embryonnaire, qui posait des problèmes éthiques pour certains. Voilà. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en général, c'est souvent à partir de cellules de peau, la plupart du temps, on prend les cellules, on les trempe dans différents bains et on arrive à les faire régresser finalement à l'état originel qui est celui d'une cellule qui va pouvoir d'un seul coup redonner n'importe quel type de cellule, du cœur, du foie ou celle à peu près qu'on veut. Alors ensuite, il y a des cellules qui peuvent régresser complètement, d'autres qu'à moitié, mais en tout cas, on sait à peu près, aujourd'hui, c'est une technologie qui est maîtrisée totalement. C'est une technologie qui est maîtrisée, notamment pour certaines lignées. Disons que on est arrivé à un point où on est capable de reconstituer des tissus entiers pour certains organes qui sont responsables de maladies très importantes comme le diabète, les maladies de la rétine, la DMLA, qui concernent beaucoup de monde, et notamment le cœur, dont parlait Élodie, après un infarctus qui donc laisse des lésions cardiaques et ne permet plus aux cellules de se contracter au cœur d'effectuer sa fonction de pompe. Il y avait effectivement, vous le disiez, hein, Fiorenza, beaucoup de promesses de ces cellules souches. Effectivement, ça fait au moins 20 ans qu'on parle de cette médecine régénérative comme la troisième grande révolution médicale, et pourtant on n'y est pas encore. Pourquoi est-ce que c'est si difficile finalement, puisqu'on arrive à faire des cellules souches? C'est difficile parce qu'elles ne sont pas si faciles à manier, ces cellules souches. Comprendre les facteurs qu'il faut leur donner, à quelle date, pour qu'elles se transforment dans le tissu qu'on veut, c'est très difficile. Donc, et qu'elles ne se mettent pas à coloniser d'autres organes, voilà. Et puis à partir... Et puis après, il y a des risques, voilà, les risques qu'elles soient rejetées par l'organisme, parce qu'elles ne proviennent pas toujours de soi-même, et les risques qu'elles se mettent à proliférer n'importe comment et que ça donne des tumeurs. Et donc ça, c'est le grand défi qui est à venir, parce que on se disait au départ, on va prendre une cellule souche de ton corps et on va te réparer là où tu as eu mal, là où tu as un organe lésé. Sauf que ça coûte extrêmement cher de faire ça. Il faut produire des milliards et des milliards de cellules pour espérer soigner un petit tissu et pour effectuer tous les tests imposés par la réglementation. Donc au Japon, par exemple, un essai clinique qui a concerné la rétine a coûté 1 million d'euros pour une simple rétine. Et donc l'industrie aujourd'hui, elle s'oriente plus vers des cultures à grande échelle, de cellules qui seraient issues de donneurs et qui seraient, disons, standardisées et sûres, et dans lesquelles on pourrait introduire des systèmes qui leur permettent soit de se suicider si elles se mettent à proliférer trop, et d'autodestruction spontanée. Programmée, voilà, on appuie sur un bouton et hop. Mais ça suppose d'introduire une mutation génétique, et donc ça pose la question de son acceptabilité. Et d'un autre côté, en parallèle, pour permettre à ces cellules d'être compatibles avec les organismes de tous, on peut leur modifier leur, disons, profil immunitaire et faire en sorte d'introduire, disons, un profil qui est accepté de tous, qui est une sorte de profil lisse, qui n'est pas attaqué par les anticorps de chacun. Alors, vous avez parlé, Fiorenza, de plusieurs pathologies. Aujourd'hui, quels sont les domaines dans lesquels ces cellules souches régénératrices sont le plus développées? Quels sont les endroits qui sont les plus prometteurs pour les mois ou les années à venir? Voilà, il y en a quatre. C'est le Parkinson, l'infarctus, le diabète de type 1 et la maladie de Parkinson. Et dans les cinq prochaines années... Et la DMLA. Vous aviez déjà dit Parkinson. Ah pardon. Eh oui, la DMLA, voilà, une maladie de la rétine qui provoque une sorte de tache au centre du champ de vision parce que la rétine est endommagée là où on devrait voir le mieux, quoi. Donc, dans les cinq prochaines années, les études devraient aboutir à des résultats et on saura si on arrive enfin à réparer ces organes-là. La DMLA, c'est certainement une des plus avancées. Alors, parlez-nous, on peut s'arrêter un peu sur la DMLA. Comment ça se passe? Quel type, quelle est la thérapie qui a été développée? Alors, la thérapie, c'est simple. On met en culture des cellules souches, soit embryonnaires, soit iPS. Les deux fonctionnent et plusieurs équipes dans le monde aujourd'hui maîtrise cette technique et on recrée un épithélium, un fin tissu de cellules qui sont des cellules pigmentaires et qui protègent les cellules de la rétine, les photorécepteurs. Et une fois qu'on a créé ce petit épithélium, on peut l'implanter dans la rétine à travers une opération chirurgicale et ça fait régresser la maladie, qui est une maladie dégénérative. Donc quoi de plus logique que de appliquer la médecine régénérative à une maladie dégénérative. Donc, 10 essais cliniques sont en cours aujourd'hui dans le monde. Donc, dans les prochaines années, on devrait avoir des résultats, notamment à l'Institut de la Vision de Paris. Là, par contre, on étudie la rétinite pigmentaire, qui est une autre maladie de la rétine. Et la rétine est un organe très, très abouti de ce point de vue-là, puisque certaines équipes arrivent même à recréer toutes les couches de cellules nécessaires au fonctionnement total de la rétine. Donc, on s'imagine de pouvoir traiter des maladies encore plus graves comme le glaucome, qui pour l'instant n'a vraiment aucun type d'espoir. Toutes les couches, c'est-à-dire des types cellulaires différents en fait. Voilà. Donc, vraiment faire une sorte de mi-feuille cellulaire avec des types cellulaires de différents. Donc ça, c'est effectivement très très, c'est à portée de main, on peut le dire. Autre question, et ça c'est certainement aussi un des grands enjeux de la recherche en neurologie, et Loïc Chabrol pourra peut-être nous en dire un mot dans les prochaines années, sur Parkinson, comment ça se passe? Comment est-ce que la médecine régénérative peut aider? Alors le Parkinson, c'est un mécanisme très simple. Il y a une zone dans le cerveau profond qui s'appelle la substance noire, dans laquelle les neurones se détruisent, disparaissent. C'est ce qui cause la maladie. Et cette substance noire, elle est normalement lié par des neurones qui fonctionnent à la dopamine, à une autre région qui s'appelle le striatum, laquelle contrôle la motricité fine du corps. C'est pour ça que les malades, disons, tremblent un peu, mais peuvent quand même bouger. Alors, on fait pousser des neurones dopaminergiques et on les implante soit dans la substance noire, pour faire le point avec le striatum, soit directement dans le striatum. Et donc ça rétablit cette fonction dopaminergique du système nerveux central et les patients sont supposés, enfin on espère, recouvrent la capacité de bouger. C'est une très grande étude clinique qui a été lancée aux États-Unis par la compagnie Blue Rock. Elle vient de lancer cet essai d'envergure avec des cellules IPS, voilà. Mmh. Et donc, dans les prochaines années, on en saura plus. Et en France, c'est à l'université de Poitiers que les recherches sont les plus avancées. Oui. Sur des modèles murins, sur la souris, il y a des résultats très encourageants. Oui, où tout à fait. Et ça va même encore plus loin que ce qui est fait par Blue Rock. Ah oui. Voilà. Tant mieux pour une fois. Ouais. Élodie Chabrol, un mot là-dessus sur la maladie de Parkinson, où les maladies neurodégénératives sont évidemment aussi un des grands enjeux de santé publique, et, puisque pour le moment, on le rappelle, il n'y a pas de traitement ni pour Parkinson, ni contre Alzheimer. Exactement. Donc déjà, il n'y a pas de traitement. Et en fait, souvent pour ces maladies, notamment pour Parkinson, il y a différents types. Souvent avec les maladies neurologiques, le problème, c'est qu'il va y avoir différents types de maladies sous une même appellation. Par exemple, Parkinson, il y a pas forcément, c'est pas toujours exactement les mêmes lésions. Donc du coup, par exemple, il y en a qui sont très très bien traités par stimulation profonde. Donc là, on met une sonde dans le cerveau et on se retrouve à stimuler les neurones. Ça marche très bien, mais ça va être vraiment un tout petit pourcentage. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme enjeu. Mais ce qui est génial avec ces cellules souches, en ce moment en neuro, ce qui est en train d'être fait aussi, c'est les organoïdes, donc les mini-cerveaux. Oui. Parce que souvent, le problème entre la cellule et puis se retrouver dans un cerveau, c'est qu'en fait, entre une cellule dans une boîte en plastique et une cellule dans un cerveau, il va vraiment y avoir une grosse différence. Donc les équipes sont en train de créer des organoïdes, donc ça va être des mini-cerveaux composés de plusieurs types d'IPS, donc de cellules IPS. Reprogrammées. Voilà, reprogrammées, pour donner différents types, pas que de neurones, des cellules gliales, des vaisseaux, etc., pour créer en fait des mini-cerveaux, pour voir comment elles interagissent, comment elles bossent, quoi, et pour permettre d'être plus efficace après au passage au cerveau. Donc ça, c'est vraiment une étape qui est aussi très très importante en ce moment. Et... Autre maladie, on va essayer, il nous reste encore quelques minutes de faire le tour rapidement sur les maladies cardiaques, puisqu'on parlait tout à l'heure du cœur avec Élodie, sur l'infarctus du myocarde. Là aussi, on en est où en fait? Alors l'infarctus du myocarde, on en est aussi au lancement dans les 2-3 prochaines années, même en France, à Paris, d'essais cliniques. Et là, l'approche qui a été choisie, c'est d'utiliser le jus des cellules souches, parce qu'on s'aperçoit que c'est non pas tant la présence de cellules souches qui répare le cœur après un infarctus, mais les substances qu'elles sécrètent, qui sont des facteurs de croissance, des cytokines, etc., qui stimulent la capacité de régénération propre au cœur. Et donc dans les 2-3 prochaines années, il devrait y avoir à l'hôpital Georges Pompidou des patients qui vont bénéficier d'un essai clinique de ce type-là. Et avec des cellules particulières qu'on appelle CDX2 et qu'on peut trouver dans le placenta apparemment. Voilà, ça c'est pour l'instant c'est encore un peu plus loin, mais l'idée est fascinante. Ce sont des cellules qui migrent directement du fœtus, donc du placenta du fœtus, jusqu'au cœur de la mère au moment de la grossesse et qui peuvent réparer ces lésions cardiaques. Il y a une maladie qui s'appelle cardiomyopathie périnatale, pour laquelle donc les femmes développent des lésions cardiaques, pour laquelle la moitié d'entre elles sont guéries à la fin de la grossesse, naturellement grâce à ces cellules envoyées par le fœtus. Et donc on pourrait penser les exploiter. D'ailleurs, les prélever dans le pancréas, ça facilite énormément le prélèvement, mais on en est dans encore... Dans le placenta. Dans le placenta, pas dans le pancréas. On va parler du pancréas voilà. D'ailleurs dans un instant. Oui, et puis avec cette propriété assez fascinante que sont des cellules qui migrent naturellement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les injecter dans le cœur, il suffit de les injecter dans le système sanguin et elles vont directement. Elles vont directement là où il faut, elles font exactement ce qu'il faut. Donc c'est assez miraculeux. Et donc le pancréas, justement, pour conclure, et là aussi pour lutter contre le diabète de type 1 et avec des espoirs assez solides aussi. Oui, c'est tout à fait assez solide et c'est la technique qu'évoquait Élodie juste avant, c'est un organoïde de pancréas qui est recréé en labo à partir de cellules souches reprogrammées. Non, pas reprogrammées, c'est des lignées de cellules issues de cellules embryonnaires et qu'on fait pousser pour qu'elles reforment un peu le pancréas lésé. Le diabète de type 1, c'est dû à la destruction des cellules bêta du pancréas qui donc ne peuvent plus produire l'insuline. Et là, on mettrait des sortes de patchs, des petits pansements sur le pancréas des malades qui se remettent à produire des cellules bêta et donc à produire de l'insuline. Et on sait que ça marche par la greffe de pancréas. Après une greffe de pancréas, pendant 5 ans, on n'a pas besoin de se réinjecter de l'insuline. Mais par contre, c'est une greffe qui est très compliquée. Il y a très peu de donneurs. Le pancréas s'endommage très rapidement après la mort. Mmh. Et donc, les cellules souches représentent un énorme espoir pour cette maladie qui est quand même, jusqu'ici, incurable. Hein. On ne soigne pas la racine du mal. On a aussi des essais cliniques sur des lignées cellulaires humaines en cours, je crois. Là-dessus, sur le diabète, tout à fait. Et c'est testé par la société ViaSight aux États-Unis depuis 2017 sur 75 patients. On attend les résultats pour dans 2 ans. Voilà. Et avec aussi, à l'horizon, peut-être si on y arrive pour le pancréas, d'autres glandes, comme par exemple la thyroïde, peut-être. Oui, c'est ça. La thyroïde, elle est développée, elle, à l'université de Bruxelles, l'université libre de Bruxelles, à partir de cellules souches embryonnaires de souris. Voilà, et on peut la reformer entièrement. Donc les glandes, vraiment, elles ont un potentiel par ces organoïdes. Voilà, si vous voulez tout savoir sur ces cellules souches et sur la médecine régénérative, c'est dans le numéro de septembre de Science et Vie. Un petit dernier tour de table, est-ce qu'il y a d'autres actualités scientifiques que vous auriez vues, dont nous n'aurions pas parlé et que vous voudriez évoquer, Olivier ? J'ai toujours des scrupules à parler d'Elon Musk parce qu'il fatigue tout le monde. Mais ça. Il a annoncé que ce soir il allait médiatiser un test de son fameux Neuralink, son interface cerveau-machine, et voilà, des choses seront montrées ce soir. On verra, d'une façon plus intéressante. Intéressé. Puisqu'on parlait du jour de dépassement, etc. Il devait se dérouler en juin dernier le congrès de la nature, le congrès de l'IUCN. Hein, ça devait être à Marseille. C'est ce moment où les gouvernements, les institutions discutent, font l'état de l'art, quoi, et des bonnes pratiques, etc. Ça a été évidemment annulé pour cause de coronavirus. J'ai vu, c'était peut-être connu depuis un moment, mais moi ça m'avait échappé, que ça aura lieu finalement en janvier prochain. C'est un congrès qui a lieu tous les 4 ans. Donc c'est important de l'avoir à l'œil, je pense. Elodie ? Pint of Science. Mais ça c'est la partie promo, on va y venir. Fionn, ça d'abord alors. Oui, et moi je voulais dire que il est urgent d'y voir plus clair sur l'immunologie, l'immunité qu'on développe face au coronavirus. C'est très important que de nouvelles études nous disent où on en est. Est-ce qu'on développe vraiment des anticorps? Combien durent ces anticorps? Est-ce que cette maladie va devenir saisonnière ou pas? Et quelle est cette histoire de possible réinfection? Quelques cas ont été signalés, mais est-ce que c'est si significatif que ça? Est-ce que ça veut dire qu'on va tous retomber malades? Ou est-ce que c'est seulement quelques individus? On en parlait dans l'émission de lundi, on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission, également dans le journal des sciences, toujours encore beaucoup de précautions sur ces cas de réinfection, parce que il manque encore des données concrètes et des études précises. Et puis, alors, Pint of Science, Elodie Chavrol, racontez-nous tout, comment ça se passe cette année? Alors cette année, à cause du coronavirus, on va faire ça en ligne. Donc déjà, on a reporté de mai à septembre, donc ça sera du 7 au 9. Ça se passera en ligne sur YouTube et Facebook, et le programme va sortir la semaine prochaine. Donc il suffit de s'abonner à la page Pint of Science sur Facebook, exactement, sur YouTube. On va vous mettre là aussi évidemment tous les liens. À la une de Science et Avenir pour le mois de septembre, Olivier. Alors pourquoi la matière a gagné sur l'antimatière? C'est tout un programme. C'est en kiosque. Et sur la une de Science et Vie, Fiorenza? Eh bien, le corps régénéré, la troisième révolution médicale, avec plein d'autres exemples, à part ceux que j'ai cités. Eh bien voilà, c'est dans vos kiosques. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Olivier Lascar, merci Fiorenza Gracchi. Merci Elodie Chabrol, merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Natacha Triou, Nominé Guetzin-Vulfranc, Antoine Beauchamp, François Malordi, Céline Lozène, Eve Etienne, Alexandra Longuet à la réalisation, Edouard Rubinstein à Technique. On jette un coup d'œil à ce que vous avons concocté dans le labo de la méthode scientifique pour la semaine prochaine. Lundi, nous parlerons de la migraine. Vous allez voir, c'est passionnant et c'est assez complexe. Mardi, il sera question du futur télescope spatial James Webb qui devrait nous permettre d'observer les toutes premières galaxies de l'univers. Mercredi, nous nous pencherons sur le projet ITER et la perspective de la fusion nucléaire. Jeudi, nous reviendrons sur la compréhension de l'atome et les travaux de Niels Bohr. Et vendredi, fiction autour d'un auteur immense, très cher à mon cœur, qui a bouleversé les codes de la pop culture et de la SF. Il sera question d'Alan Moore. Demain, Étienne Klein pour la conversation scientifique avec le biologiste et philosophe Pascal Nouvel. Comment l'origine se raconte-t-elle? Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.